recado de parte de la tele. Ya va siendo hora de que lo piques, lo mayamos hasta la cama. I take you to the Hotel Martinet in Brooklyn, where Bobby Millet and his orchestra are offering a program of dance music. Le bourreau d'Agobert. La mission qui tourne à l'envers. De toi, faut lui dire maman, c'est quelqu'un pour toi. Ah, c'est monsieur de la dernière fois. Bon, je vais la chercher. Je crois qu'elle est dans son bain et je sais pas si elle va pouvoir venir. Dis-lui, je t'en prie, dis-lui, c'est important, mais il attend. Dis, tu lui as fait quelque chose à ma maman? Elle me fait toujours des grands signes et elle me dit toujours tout bas, mais pour que je sois là. Raconte-moi comment est ta maison. Apprends-tu bien chaque soir toutes tes leçons? Oh oui, mais quand maman travaille, c'est la voisine qui m'emmène à l'école. Il n'y a qu'une signature sur mon carnet. Les autres sont celles de leur papa, pas moi. Oh, dis-lui que j'ai mal, si mal depuis 6 ans. Et c'était ton âge, mon enfant? Ah non, moi j'ai 5 ans. Mais dis, tu la connaissais ma maman avant? Pourtant elle m'a jamais parlé de toi. Tu restes là, hein? Le téléphone. Dans l'écouteur, oui, le téléphone pleure. Ne raccroche pas, je suis si près de toi avec la voix. seras-tu aux prochaines vacances à l'hôtel Beau Rivage? Aimes-tu la plage? Oh oui, j'adore me baigner. Maintenant, je sais nager. Mais dis donc, comment tu connais l'hôtel Beau Rivage? T'y étais, toi, Sainte-Maxime? Oh, dis-lui toute ma peine, combien toutes les deux, moi, je vous aime. Je t'ai jamais vu, moi. Mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as changé de voix? Mais tu pleures? Pourquoi? Oh, le téléphone pleure quand elle ne vient pas. Quand je lui crie, je t'aime, les mots se meurent dans l'écouteur. Et le je t'attends et je m'en ai à Paris. Et toi, tu m'oublies. Si tu as encore ta petite chérie, j'ai bu la tour Eiffel et les quais de la Seine. J'ai pris le métro pour le Trocadéro. Mais sans toi, c'était pas rigolo. Alors tu m'entends? Ah non, moi je n'entends rien. Et c'est Karim qui t'attend et qui sonne à Berlin. Et toi tu m'oublies. Si j'ai encore ta petite amie, j'ai fait du shopping à Mitte Avedin. J'ai pris le vin pour le coffee stand-up. Mais sans toi, c'était pas rigolo. Alors tu m'entends? C'est ma carimi carré. Je t'aime, je t'attends. Et je m'en ai à Paris, à Berlin, à Londres. Et toi, dis-moi, tu m'aimes toujours? Demain, je prends l'avion, mais c'est pour Tokyo. Seras-tu là? Allô? Allô? Allô? Merde, ils sont coupés. Sans toi, ce serait pas rigolo. Mais toi, seras-tu là? Allô? Allô? Tu m'entends? Iskahim Kari. Allô? Allô? Lis-moi encore le passage où la fille revient. Tu sais, non, c'est là sur l'autre page. Je le connais. Moi, je le connais par cœur. Car c'est vraiment mon histoire. Et si je l'appelle tous les soirs, c'est que j'ai peur qu'elle ne m'aime plus, ou qu'elle ne m'ait jamais aimé. Qu'elle ne m'aime plus, ou qu'elle ne m'ait jamais aimé. téléphone. Il n'y a personne, elle a dû partir, et elle va prendre froid. Et si je lui écrivais, tout simplement que je l'aime, ça la toucherait quand même, tu ne crois pas? Je suis là, je tourne en rond, que je dois avoir l'air con. Je t'ennuie avec tout ça, ça ne répond pas. C'est qu'elle ne m'aime plus, ou qu'elle ne m'a jamais aimé. C'est qu'elle ne m'aime plus, ou qu'elle ne m'a jamais aimé. Je lui téléphone, ça sonne. Il n'y a personne, elle a dû partir en vacances ou ailleurs. Téléphone, tu vois, ça sonne. Faire le 13, le 14, et puis les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit, c'est pour s'amuser. On joue ensemble à un jeu qui n'est pas compliqué, le jeu du téléphone. Il suffit d'appeler dans la nuit quelques amis. Allô, c'est moi, devine à qui je suis. Tu ne sais pas, mais voyons réfléchir. Et on invente des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. Ne me reconnais pas, pourtant, voyons, tu connais bien mon nom. Et on invente des histoires, on raconte mille blagues, ça n'a pas d'importance. On s'amuse en restant dans le vague quand on questionne. On appelle ça le jeu du téléphone. Les filles, les garçons et les filles ne pensent qu'à chahuter. C'est normal, quand on se réunit, c'est pour s'amuser. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la All right, keep it up.